Cinquième partie, 1. Quand elle arriva chez elle, tout haletante, elle n'avait plus dans la tête aucune idée d'aucune sorte. Elle se dépêchait et sentait confusément qu'elle était lasse, au point de ne plus savoir si elle ne tomberait pas en chemin. Elle sonna. Le déclenchement du loquet, la porte qui s'ouvrait, l'antichambre éclairée la rappelèrent à quelque réalité concrète, où son esprit s'accrocha comme, dans le vertige, on saisit n'importe quoi pour la seule impression de la solidité. Puis elle eut un souci. Rentrer sans qu'on la vît, échapper à toute question, s'enfermer dans sa chambre, et là, toute seule, délivrée de son chapeau, de son manteau, s'asseoir, se reconnaître. Elle aperçut en haut de l'escalier Laurent, et elle lui eut bien dit de s'en aller, d'être gentille, de la laisser. Avec lui, elle ne se gênait pas, car il était doux et intelligent. Mais comme Laurent se taisait, elle en fut assez surprise, et elle lui demanda « Qu'y a-t-il ? » « Une des petites est malade, la petite Rose Descombes. »« Ah, gravement ? » ?»« Je ne sais pas, le médecin est auprès d'elle. »« Prends-moi tout ça. » L'ombrelle, le chapeau, le manteau furent vite aux mains et aux bras de Laurent. Anatolie n'était plus lasse. Sur la pointe des pieds, elle courut à la chambre, son ancienne chambre, où la petite Rose avait son lit. Elle vit la tante Pauline et le médecin. Elle vit la petite Rose en nage, les yeux grands ouverts, comme dans la stupeur. Elle se pencha et elle commençait de lui parler. « Non, non, fit le médecin, ne lui parlez pas. Je reviendrai ce soir. D'ici là, rien à faire. De la fraîcheur, de l'air. Seulement, ces deux autres lits. Avez-vous de la place ailleurs ? Sinon, il vaudrait mieux transporter cette petite à l'hôpital dès maintenant. « J'ai de la place ailleurs, dit Anatolie. Laissez-la-moi, du moins si vous jugez qu'elle ne soit pas mieux à l'hôpital. » « Non, non, ce que j'en dis est pour les autres enfants. Vous craignez une contagion ?»« Je crains tout et rien. La température dépasse 39. Mais la petite a quel âge ? 4 ans. Ces petits êtres vous ont des fièvres qui annoncent tout et qui n'annoncent rien. Nous verrons. » Anatolie le reconduisait. Il l'interrogea. « Vous connaissez les parents ? Elle est orpheline de mère, quant au père. Alcoolique ? Probablement. » On peut craindre la méningite, mais il est prématuré de la craindre. Nous verrons. Je passerai sur les 10 heures. Un peu plus tard, et à demi-voix, près du lit de la petite Rose, la tante Pauline s'attristait de voir Anatolie très pâle. Ce n'est rien, j'étais lasse de ma journée. Et puis, tout cela. Anatolie se demandait pourquoi elle était pâle, à cause de cette petite fille, ou bien à cause d'une petite phrase qui obstinément se présentait à sa pensée. Je n'aime plus Paulin. « Je ne sais pas, songea-t-elle. » La petite phrase allait et venait. Parfois, elle sonnait comme un bruit de cloche aux oreilles d'Anatolie. Et parfois, elle se dessinait devant ses yeux. Les caractères s'effaçaient, et bientôt se formaient encore très nets et puis dansant. Mais il fallut débarrasser la chambre. Avec les servantes, Laurent s'y employa. Et Anatolie, près de la porte, dirigeait les mouvements afin qu'un choc ne pût retentir dans la tête malade. C'était, contre la hantise de la petite phrase, une diversion. Alors la petite phrase disparaissait. Ainsi, deux pensées rivales, comme prises d'émulation, se disputaient Anatolie. Elle cédait à l'une ou à l'autre, sans le vouloir. Elle n'était à peu près pour rien dans cette alternance, et elle remuait, passait d'une chambre dans la chambre voisine, donnait des ordres, bordait un lit, tapait sur un oreiller, de même que si ce ne fut pas son affaire de régler le jeu d'hiver de ses pensées. Vers 9 heures, habituellement, la tante Pauline rentrait chez elle avec Laurent. Mais elle dit « Ma petite bonne, couche-toi. Tu es à bout de fatigue. Moi, pas du tout. Je veillerai auprès de Rose. Non, non, laissez-la moi, j'y tiens. » La tante Pauline insista, mais inutilement. Et Laurent la reconduirait. Puis, à 10 heures, il reviendrait savoir ce qu'aurait dit le médecin. Et, en cas de besoin, il resterait. Quand Anatolie fut seule auprès de la petite Rose, elle éprouva cette sorte d'ennui qu'on ressent auprès des malades, dans les moments où il n'y a rien à faire pour eux. Un ennui, certes, mêlé d'appréhension et d'amitié malheureuse, mais un véritable ennui. C'est de l'inaction plus pénible quand on voudrait davantage être utile et plus difficile, parce qu'en général, on vient alors de s'agiter. La machine de notre intelligence ne s'arrête pas plus vite et aisément qu'elle ne se mette en branle, et elle a ses deux manières d'inertie contre lesquelles il lui faut dépenser de l'initiative assez durement. Pour s'animer, elle profite souvent d'une excitation qui, du dehors, lui est fournie par le hasard. Pour s'apaiser, elle ne doit compter que sur elle. Anatoly, pendant quelques minutes, rangea divers objets et ainsi trompa son désœuvrement. Puis elle eut bientôt perdu tout prétexte à remuer. Elle s'assit et elle recourut au chapelet. La petite malade dormait. Il n'y avait qu'à la laisser dormir. Anatoly, après le signe de la croix, commença de réciter mentalement les prières. Et quand les prières furent en train, il n'y avait qu'à les laisser courir. L'homme se dédouble, une partie de l'homme est libre de songer à sa guise. L'autre partie de l'homme prie pour l'homme tout entière. Et la partie de l'homme qui est libre n'est pas libre tout à fait. On prie pour elle, et c'est déjà régler un peu sa rêverie, la diriger sans violence sur les bons chemins. Parfois, l'homme qui fait oraison appelle l'autre et l'invite à entendre les mots de l'oraison, l'invite à sa ferveur. L'âme qui rêve, à l'instant où elle s'échappe, reste embaumée un peu de temps d'avoir prié. Elle s'éloigne et reviendra. Les doigts sont occupés à compter les grains et les dizaines, et le corps a une attitude que lui impose le respect de la prière, que lui indique la réunion des mains vers le chapelet, discipline indulgente, et qui pardonne à votre lassitude, et sans laquelle vous languiriez. Le chapelet consacre votre nonchalance et la préserve, il la confie à Dieu. Anatoly, parmi les Ave Maria, se souvient qu'à deux reprises, au médecin et à la tante Pauline, qui offrait de lui ôter la petite rose, elle a dit « Non, laissez-la moi ». Elle l'a dit sur un ton suppliant et impérieux. Elle a voulu garder auprès d'elle cette petite fille. Et ce fut assurément pour le bien de cette petite fille qu'elle soignera de tout son cœur. Ce fut aussi pour elle, Anatoly, car d'autres soigneraient la petite fille également. Ce fut pour elle, si on lui enlevait ce grand souci, elle resterait seule, et trop seule, pire que seule avec la compagnie de cette petite phrase « Je n'aime plus Paulin ». Elle frissonne à l'idée de rester seule avec une certitude qui lui a dévasté le cœur. Ne plus aimer, c'est du néant, et ce n'est absolument que du néant. D'autres malheurs sont positifs, et l'on se tient en face d'eux, prêt à la résistance, au combat. Devant le néant, on se perd. Ainsi, la petite rose lui est utile. Et la maladie de la petite rose lui est utile. Anatoly a donc besoin que la petite rose soit malade. Paulin lui a dit que la charité, ayant besoin des pauvres, se les ménageait. Anatoly voit clair comme le jour l'absurdité de cette opinion. Elle en a l'évidence plus nette qu'elle ne saurait la démontrer. Si Paulin, de nouveau, l'environnait des ruses de sa dialectique, sans doute serait-elle embarrassée de répliquer. Mais l'évidence lui à ses yeux. Elle aperçoit très manifestement deux vérités. Et l'une est que la petite rose a besoin d'elle, l'autre qu'elle a besoin de la petite rose. Les deux vérités, de formule pareille, s'accordent l'une à l'autre. Et l'une n'est pas la condition de l'autre. Elles font ensemble une harmonie qu'atteste l'analogie des mots. Une harmonie toute simple et dans laquelle se révèle le mystère unique de la charité. Une si parfaite harmonie qu'il semble que le monde soit destiné à la réaliser. Ou bien, si le monde n'est pas fait pour elle, du moins est-elle faite pour le monde et pour son économie. Plutôt encore, l'économie du monde et la charité sont ensemble comme s'appuient l'une à l'autre les deux vérités qu'Anatoly aperçoit. Mais Paulin se promet de changer l'économie du monde. Ah, qu'il la change! Et il ne la changera pas, s'il la veut changer, que pourtant il ne dénigre pas ce qu'il prétend détruire. Et qu'il ne le profane pas, ou ne l'exploite pas aux fins de sa besogne forcenée. Paulin se trompe, il ne sait pas que la charité est un mystère d'harmonie, et s'il croit que la charité n'est que le don de l'argent, des pitances, Paulin se trompe. Mystère unique et double aussi. La charité donne et reçoit, et elle n'est pas un échange, c'est une réunion. Paulin se trompe. Ah, mais en outre, il avilit la charité, il flétrit l'harmonie du monde. Ah, mais en outre, il a flétri leur amour et leur fiançailles. Anatoly fut empêché de sangloter par le devoir de veiller posément sur la petite rose. La petite rose, les yeux entrouverts, dormait. Elle respirait fort. Elle était agitée. Elle avait les boucles de ses cheveux toutes collées de sueur. Il était 10 heures bientôt, et le médecin ne tarderait pas. Le chapelet finissait de prier dans les doigts d'Anatoly. Continuerait-il jusqu'au bout du rosaire les 3 séries des 5 dizaines? À méditer les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux de la vie de la Vierge, autant de reposoirs où s'agenouille la prière. Anatoly eut sanctifié les étapes de son tourment. La religion, qui nous propose d'imiter les saints exemples, nous invite ainsi à embellir notre douleur par les divines analogies. Mais par mégarde, Anatoli avait éludé la méditation des mystères joyeux. Puis, malgré elle, son homme se relâchait un peu d'être fervente et s'éloignait, comme une femme prête aux larmes et qui tout de même emporte un bienfait. Le médecin arriva. Laurent, bientôt après. « Eh bien, dit le médecin, je ne vois pas de changement et c'est assez bon signe. Elle dort à demi éveillée. » Et ce demi-éveil, dans la torpeur accablée de la fièvre, donnait une image singulière de la résignation. Le corps a des habitudes et il a des vertus. « Je ne crois pas que la température ait monté, dit encore le médecin. Je ne crois pas qu'elle ait baissé non plus. Mais je ne le vérifierai pas. Il vaut mieux que l'enfant dorme. Il est possible que dans le sommeil la fièvre tombe. Et le corps, qui a de la mémoire, est aussi capable d'oublier. La guérison est comme une sorte d'oubli, de la part du corps. « Cependant, fit Anatoli, vous êtes très inquiet. Non, la mort est un phénomène si rare. » Il souriait, avec cette espèce de bonhomie malicieuse qu'ont volontiers les médecins, et qui marque leur prestige. Il ne disait pas que la mort fût rare en pareil cas, mais généralement. Il épiait un peu de surprise sur le visage d'Anatoli. Il ajouta, « Les occasions de mourir sont perpétuelles. À chaque minute, la mort échoue. On ne meurt pas une fois sur 100 000. Au total, chacun de nous est beaucoup plus fort que la mort. » C'était sa philosophie. Il revint au cas particulier. « Je ne suis pas très inquiet, mais il faut tout prévoir. Il est possible que la tête de l'enfant se prenne davantage. Vous vous en apercevriez. La douleur amènerait des vagissements, et même des cris. Alors tout de suite de la glace sur le front. Et puis m'avertir. Avez-vous de la glace ? Non. Monsieur Laurent pourra vous en procurer. Dans un café, c'est le plus simple. Les cafés sont bien pourvus par ces temps électoraux. » Anatoli tout à coup songea aux besognes électorales de Paulin. Besogneville est presque indécente pendant que de petits êtres sont au point de mourir. Besogne de café où Paulin était plus loin d'elle que jamais. Et elle écarta la pensée de Paulin, la pensée dégradée de Paulin. Laurent partit. Le médecin dévidait la kyrielle de ses remarques et de ses recommandations attentives. « Je ne mets pas dès maintenant la glace, non, sauf nécessité urgente. Le sommeil, le repos. La nuit par bonheur est calme et assez tiède. La fenêtre ouverte, à moins que vers 3 heures du matin l'air ne rafraîchisse pas trop. J'aime autant que vous vous teniez un peu moins près de la malade. Où donne cette porte ? Dans ma chambre. Tenez-vous dans votre chambre, la porte entre-close. Veillez et n'intervenez pas. Le repos, le repos. Le sommeil. Il faut que cette petite tête dorme et qu'elle oublie. Quoi ? Qu'elle est malade. Mais oui, croyez-moi, c'est à la lettre. Seulement, vous redoutez la fatigue, avec tout ce tintouin que vous avez pris. Il vous faudrait une garde. La nuit prochaine, peut-être, pas cette nuit. » Anatoli, après le départ du médecin, s'occupa d'allumer une lampe dans sa chambre. Puis, dans une armoire, elle prit des linges qui serviraient à faire des compresses glacées pour le front de la petite Rose. Et elle s'aperçut qu'elle songeait à la manière dont elle s'était séparée de Paulin, dans la basse ville. Sur les 7 heures, il y avait 3 heures à peu près. 3 heures seulement. Et il lui semblait que ce fût un événement déjà ancien, que ce fût comme un accident de jadis, et qui vous a laissé une cicatrice. Mais on ne souffre plus. Ou bien l'on souffre par intermittence, et l'on cherche soudain les détails dans sa mémoire. Au surplus, les détails de cet accident, Anatoli avait à les chercher, en effet. Mais elle les trouvait, et alors il prenait une terrible intensité. Les paroles de Paulin, timides, un peu gênées, oui, gênantes à dire, et la voix, pour les prononcer, manquait d'assurance. Un peu timide, et pourtant si nette, la pensée, l'odieuse pensée, nette comme s'il l'avait élaborée avec soin. Et s'il n'en avait pas élaboré les mots, il formulait du moins avec une rapide justesse l'idée du stratagème qui le tentait depuis longtemps. Les paroles de Paulin et instantanément la réplique d'Anatoli. Elle se sauvait, elle ne voyait plus rien, n'entendait plus rien. Elle courait. Et lui, avait-il couru après elle ? Non, sans doute. Il l'eût rattrapé aisément. Il n'avait pas couru après elle. Et donc, il avait accepté qu'elle le quittât sur un cri de répulsion farouche. Il ne protestait pas. Quelle figure faisait-il ? Et s'il n'avait pas couru après elle, qui le fuyait avec horreur ? Était-il resté là-bas, dans cette petite rue ? Était-il resté sur place et comme figé d'étonnement ? D'étonnement ou de douleur ? Et combien de temps ? Voici Laurent qui apporte de la glace. Au moment où arrive Laurent, Toute la scène de la basse ville est si présente à l'esprit d'Anatolie, présente et vive, que sur ces entrefaites, l'arrivée de Laurent n'est pas plus réelle. Ainsi, Laurent se mêle au brusque débat d'Anatolie et de Paulin. Il ne s'y mêle pas. Il est cependant là. Il dit « Voici la glace ». Il a changé le tour de la conversation. Mais il est là. Il fallut mettre la glace dans des torchons, à la cuisine et organiser qu'elle ne fondît pas. Et lui, Paulin, n'était plus là. Elle dit à Laurent « Le docteur aime autant que nous ne restions pas dans la chambre de la petite fille. Et j'ai préparé dans ma chambre deux fauteuils, tout près de la porte, afin que par l'entrebâillement, nous puissions voir jusqu'au lit sans bouger. Mais peut-être faut-il que tu t'en ailles. Non, je te remercie. Peut-être faudra-t-il avertir le docteur. » Laurent lui conseillait de se coucher. Il veillerait. Eh bien, non pas dans la chambre, mais dans le corridor. En fermant tout, les courants d'air n'étaient pas à craindre. Et à la plus petite alerte, il appellerait Anatolie. Elle refusa de dormir. Ils étaient assis, l'un auprès de l'autre, dans la chambre peu éclairée. La lampe assez loin derrière eux. Et la longue nuit commençait. Alors seulement Anatolie songea que la nuit serait longue. Il fallait au moins s'accoutumer à elle, et en quelque façon l'apprivoiser par le moyen de quelques paroles. « Il m'est venu, dit Anatolie, une idée. Ces pauvres gens ne savent pas s'y prendre. Ils gaspillent ce que l'on fait pour eux. J'aurais dû organiser des cantines, que les plus débrouillards dirigeraient pour tout un groupe de ménages. Est-il encore temps ?»« Non, dit Laurent, je ne crois pas. La grève ne peut durer maintenant. » Mercredi est passé. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche les élections. La grève sera terminée au plus tard lundi. Oui, quand personne n'aura plus d'intérêt à l'éterniser. Personne, ce ne pouvait être que Paulin. Laurent craignit qu'Anatolie ne soupçonnât, dans ses paroles innocentes, une allusion à Paulin. Alors il ajouta, « Et la grève finira plus tôt si quelqu'un trouve son intérêt à la terminer, coûte que coûte, fût-ce par des concessions onéreuses. » Quelqu'un cette fois, Pierre, a ne s'y pas trompé. Laurent tenait la balance égale entre les candidats, son frère et l'autre. Mais, reprit Anatolie, la misère durera longtemps après la grève. Assurément. Le projet d'Anatolie, tardif et difficile à réaliser en peu de jours, Laurent ne l'approuvait pas. Il donnait de bonnes raisons. C'est qu'alors Anatolie n'avait plus de projet à offrir. Et puis elle n'avait plus rien à dire. Et puis elle n'avait plus rien à penser. La petite malade continuait de dormir. Anatolie s'affaissa un peu dans le fauteuil. Elle appuya sa tête sur le dossier. Laurent crut que peut-être, et sans le vouloir, elle s'assoupirait. Anatolie n'avait plus rien à penser. Elle n'avait plus à penser qu'une seule chose, c'était qu'elle n'aimait plus Paulin. Elle se mit à cette pensée, la dernière après avoir tout essayé, la dernière et la seule. Cette pensée la prit tout entière. Ce n'est pas désormais la scène de la séparation qui la hanta, mais uniquement l'idée de ne plus aimer Paulin. La scène, encore, avait pour amuser l'esprit son activité, ses épisodes. L'idée, non. L'idée était une contemplation morne et si désolante. L'esprit d'Anatolie ne s'en détachait pas. Il constatait l'idée. Peu à peu, autour de cette idée, naquit le sentiment de cette idée. L'idée s'enfla. L'idée gonfla le gosier d'Anatolie, monta aux yeux d'Anatolie, emplit sa tête, déborda en larmes. Anatolie ne remuait pas. Et elle dit à Laurent, « Laurent, je n'aime plus Paulin. » Aussitôt, les coudes aux genoux et la figure dans ses mains, elle sanglota. Laurent se leva, s'approcha d'elle. Et pour la calmer, que faire ? Il avait, lui, dans le cerveau, un grand tumulte que dompta le désir de calmer le désespoir d'Anatolie. Mais à de tels sanglots, que faire ? Bien qu'il fût le cousin germain d'Anatolie, il l'a connu depuis l'enfance, elle était une jeune fille, et qu'il aimait. Une sorte de pudeur l'empêchait de toucher à elle. C'est à peine s'il osa poser sa main sur l'épaule de cette jeune fille, sur l'épaule que secouait le continuel sanglot. Il se pencha et dit « Anatolie, tu vas réveiller la petite malade. » Anatolie, se redressant avec effort, le vit pousser la porte. « Non, non, fit-elle, c'est fini. Regarde si elle ne s'est pas éveillée. » Elle dort. Et Laurent, sur la pointe des pieds, retournait à son fauteuil. Anatolie, qui ne pouvait pas ne pas pleurer, s'appliquait à pleurer sans faire de bruit. Et l'attention de sa volonté valait mieux, pour l'apaiser, que de raisonnables conseils. Laurent, à se le dire, trouvait l'excuse de son embarras. Elle sécha ses larmes. Elle regarda Laurent et lui demanda « Mais tu n'approuvais pas cet amour, peut-être es-tu content ?» Elle se reprit « Content pour moi ?» Il lui répondit « Non, je te plains de tout mon cœur. » Elle eut sucré de la plaindre et, pour être compatissant, de renoncer à la logique de son opinion. Seulement, n'était-ce que pitié de sa part et délicate abnégation de la vérité? Pourquoi, fit-elle, si tu n'approuvais pas cet amour? Il parlait à demi-voix dans la pénombre. Le silence, une seconde, hésita de lui à elle. Laurent dit, « Je n'ose pas te demander pourquoi tu ne l'aimes plus. »« Oh non, » répondit-elle. Mais sa réponse, qui éludait les confidences trop affreuses, n'achevait pas leur entretien. Anatolie attendait que Laurent la plaignît encore. Et Laurent murmura, « Tu avais cet amour. » Et si je l'approuvais ou non, qu'importe. Toi-même l'approuvais-tu? Et qu'est-ce que d'approuver un amour? Tu étais toute à cet amour. Oui, toute. Et que te reste-t-il? Avec la cruauté de notre sincérité vive, elle répondit. Rien. Déjà, elle se repentait d'avoir été, par ce mot, si cruelle, quand elle avait Laurent près d'elle, qu'il l'aimait. Et elle l'eût effacé, ce mot. Mais Laurent, comme il allait le dire, avant elle, répéta. Rien. Elle craignit de le faire souffrir, si elle tâchait de restreindre l'étendue impitoyable de ce mot. Et elle laissa tomber le silence comme un linceul sur un mort. Cependant, le scrupule qu'elle avait eu à l'égard de Laurent la tenait en éveil, et pour s'être un instant détachée d'elle-même, elle se sentit plus forte et assurée. Peu de secondes auparavant, elle ne tolérait pas. Elle écartait avec horreur l'idée de raconter à Laurent toute cette histoire. Laurent, discret, n'insistait pas. Et elle lui raconta toute cette histoire d'un amour malheureux, d'un amour qui naît à peine et pris d'un mal étrange, d'un amour qu'elle a soigné passionnément et qui vient de mourir. Laurent sut toute l'anecdote et la déception. Il sut toute l'ardeur de cet amour, son inquiétude et puis la fin. Il sut le secret des charités qui devait enseigner Paulin, le ramener de ses folies et comment se pervertissait Paulin empoisonné par les idées. Je ne l'ai pas guéri. Anatolie, du seul fait de se taire, après avoir longtemps parlé du fond de l'âme, interrogeait Laurent. Mais Laurent, ce qu'il avait à dire, la blesserait et lui le torturait. Il fut courageux. « Tu l'aimes encore ? » dit-il. « Oh non, » fit-elle, « je te jure que non. » Elle mit à se démentir un tel accent de vérité qu'il fallait bien que Laurent la crût sincère. Elle l'était, passionnément, et la passion fortifie la sincérité. Mais elle n'atteste pas la vérité. Laurent, qui eût si ardemment souhaité de voir Anatolie délivrée de Paulin, ne se chantait pas victoire. C'est qu'il l'aimait, Anatolie, et que l'aimant, il la plaignait de souffrir. Et c'est aussi qu'aimant Anatolie, il était jaloux de ce qu'elle eut, pour l'amour de Paulin, tant de peine. Il lui dit, « Si tu ne l'aimes plus, aurais-tu ce terrible chagrin de ne l'avoir pas guéri ?» En lui donnant cet argument pour lui démontrer qu'elle aimait encore Paulin, Laurent se tourmentait lui-même, ainsi que fait une âme qui a souffert et qui, trop longtemps offensée, doute de son bonheur et le refuse. Comme Anatolie pleurait de ne plus l'aimer, il l'invitait à observer qu'elle aimait. Ainsi ne la consolait-il pas? Il avait une conscience nette de sa pensée, à lui, et de toutes ses complications sentimentales. Mais la pensée d'Anatolie, il la simplifiait excessivement. La plus loyale causerie de deux êtres qui ne sont pas à l'unisson, le plus parfait souffre d'un tel malentendu. Anatolie, elle, au-delà de tout argument, savait qu'elle n'aimait plus Paulin. Elle vit clair en elle-même. J'ai, reprit-elle, un terrible chagrin de ne plus l'aimer, parce que je l'aimais et que j'aimais à l'aimer. Puis j'ai voulu le guérir, afin de supprimer ce que je n'aimais pas en lui. Ce que je n'aimais pas en lui gagnait. Il l'a pris tout entier. Mais ce que je n'aimais pas en lui a pris son esprit d'abord. Ce n'était rien. Et puis son cœur. Et c'est fini. Son cœur. Et non, ce ne fut pas fini tout de suite. Tant qu'il est resté de son cœur une petite partie intacte, celle où j'étais, j'ai pu l'aimer. La petite partie de son cœur, toujours plus restreinte où j'étais, il n'a pas su la préserver. Et je ne l'aime plus. Mais tu as pitié de lui. Et pour Laurent, cette pitié, c'était encore de l'amour. Elle répliqua, « J'ai pitié de lui. Mais plus j'ai pitié de lui, en ne l'aimant pas, et plus je m'aperçois que l'amour et la pitié sont deux sentiments différents, qui n'ont aucun rapport ensemble, et qui peut-être se chassent l'un l'autre. On n'a pas pitié de ce qu'on aime. On se le figure trop content. » Car on est si content soi-même. Et ce qu'on aime, on lui serait dur, on lui est dur plutôt que pitoyable. Tu confonds l'amour et l'amitié, Laurent, ce n'est pas la même chose. Et Laurent allait lui répondre, tu as pourtant de l'amitié pour moi, et tu ne m'es pitoyable nullement. Anatolie aussi, trop inattentive à lui, le méconnaissait avec trop d'inclémence. Aucune de ses paroles dont il ne sentit la blessure. Il avait pour elle une amitié compatissante, mais la cruauté anime la cruauté. Puis elle voulait que l'amour fût impitoyable. Eh bien voici. Alors, c'est que tu n'as jamais aimé Paulin, jamais. Elle souriait, comme par défi. Laurent continua. « Tout le récit que tu m'as fait de cet amour n'est que la pitié que tu as eue de Paulin, tout le temps. Et tu crois que tu ne l'aimes plus ? Mais non, tu t'aperçois que tu ne l'aimais pas. » Offensée, elle riposta. « Ah, tu dis que je ne l'aimais pas ? Je croyais que tu souffrais assez pour le croire, et tu avais raison de souffrir, je l'aimais. » Ils se turent longtemps avant qu'il ne leur vînt de la miséricorde, l'un à l'égard de l'autre. La miséricorde leur vint de la lenteur de la nuit. Vers le matin, la fraîcheur de l'air entra dans la chambre. Anatolie se leva pour aller fermer la fenêtre. Laurent l'accompagna. Il la devança. Et Anatolie s'approcha du lit de la petite Rose. Laurent se tenait à peu de distance. « Elle dort, » chuchotait Anatolie en retournant à son fauteuil. Laurent la suivit. Dans la chambre d'Anatolie pénétrait la lueur de l'aube par les fentes des contrevents. « Ferme un instant la porte, » dit-elle à Laurent. Elle éteignit la lampe attardée, ouvrit la fenêtre et les contrevents. Elle restait à regarder devant elle l'éveil du jour. Elle appela Laurent. Elle lui prit les mains et lui dit « Je t'ai fait souffrir, Laurent, toute cette nuit. Pardonne-moi. Cela te prouve que je l'aimais. Je te prouverai que je ne l'aime plus. » Laurent demeurait immobile devant elle, à ne plus savoir que penser. Elle avait de ces phrases qui étaient pour lui une sorte de supplice délicieux. Sans tout à fait comprendre ce qu'elle entendait par ces mots contrastés, il eut seulement l'assurance de lui pardonner. Même il crut se repentir, et n'allait-il pas le lui dire ? Mais elle était si grave et si hautaine avec tant de douleur qu'elle écartait le bavardage des scrupules. « Maintenant, reprit-elle, il faut que tu t'en ailles. Si, je te le demande. Il est bientôt 5 heures. Catherine va se lever. En cas d'incident, elle ira chercher le médecin. Tante Pauline arrivera sur les 7 heures, et alors je me coucherai. Toi-même, couche-toi et tâche de dormir. Viens tout de suite après-midi. Je n'ai pas besoin de toi pour le moment, et j'aurai besoin de toi pour que tu ailles à ma place dans la basse ville. Je resterai auprès de la petite malade. Je ne sortirai pas. Je ne veux pas rencontrer Paulin. »